Le roi et ses quatre épouses. Il était une fois un roi riche qui avait quatre épouses. La quatrième était celle qu'il aimait et choyait le plus. Il la couvrait de luxueuses robes et la traitait avec délicatesse. Il prenait grand soin d'elle et ne lui offrait que le meilleur. Quant à la troisième femme, elle aussi il l'aimait beaucoup. Il était très fier d'elle et voulait toujours la mettre en valeur auprès de ses amis, tout en craignant qu'elle ne le quitte pour quelqu'un d'autre. La deuxième femme était toujours plaisante, patiente et pleine d'égards, il l'aimait beaucoup elle aussi. Chaque fois qu'il rencontrait des problèmes, il se tournait vers elle et elle l'aidait toujours à s'en sortir. C'était une personne très prévenante et elle était la confidente du roi. Quant à sa première femme, le roi l'ignorait totalement, même si elle l'aimait profondément. Un jour, le roi tomba gravement malade et il eut le pressentiment qu'il allait mourir bientôt. Il pensa à sa luxueuse vie et se dit « Maintenant j'ai quatre femmes, mais quand je mourrai je serai seule. Quel solitaire je serai !» Il appela sa quatrième femme. « Toi que j'ai aimé par-dessus tout, que j'ai paré d'habits les plus précieux, veux-tu me suivre maintenant que je meurs ?»« Pas question » répliqua-t-elle. Avant de s'en aller, le roi reçut sa réponse comme un coup de poignard au cœur et profondément attristé, il se tourna vers sa troisième femme. « Toi que j'ai tant aimé toute ma vie, veux-tu me suivre maintenant que je meurs ?»« Non, » répond-elle, « la vie est trop belle, j'en profiterai pour me remarier. » Le roi sent tout à coup son cœur flancher et se glacer. Il pose alors la même question à sa seconde femme. « Tu as toujours été là quand j'ai eu besoin de toi. Maintenant, j'ai à nouveau besoin de ton aide. Veux-tu me suivre à présent que je meurs ?»« Désolée, » dit-elle, « tout ce que je puis faire, c'est t'accompagner jusqu'à ta tombe. » Anéanti, le roi entendit alors une voix. « Moi ? Je viens avec toi et je te suivrai où que tu ailles. » Il leva les yeux et aperçut sa première femme. Elle était si maigre, comme si elle souffrait de malnutrition. Très touché, le roi dit « J'aurais dû prendre beaucoup mieux soin de toi pendant que je le pouvais. » Nous aussi, nous avons quatre femmes dans notre vie. La quatrième, c'est notre corps. Malgré tout le temps et l'énergie que nous lui consacrons, nous finirons par le laisser derrière nous. La troisième, ce sont nos biens matériels, notre statut, notre argent. Ils passeront à d'autres. La deuxième, ce sont notre famille et nos amis. Malgré leur fidélité, ils ne pourront au mieux que nous accompagner à notre dernière demeure. La première, enfin, quelque chose que nous ne pouvons voir, c'est notre âme, si souvent négligée dans notre quête de biens matériels et de plaisirs sensuels. Et pourtant, c'est la seule qui nous accompagnera où que nous allions. Alors, n'oublions pas d'en prendre soin, de la cultiver, de la nourrir, de la renforcer, de la chérir, tant qu'il est encore temps. Car ce que nous aurons semé, nous le récolterons aussi. Qu'il brille de mille feux et éclaire la vie des autres.